il n'est pas difficile à la petite Ghislaine de trouver un prétexte pour justifier la suspension de ses leçons. Alors, tu conviendras que l'idée bizarre de t'introduire à la brune dans la chambre d'une jeune fille et d'une jeune fille qui est mademoiselle de Chambray, pour lui dire, tout gaillardement, « Je vous aime » sans avoir préalablement préparé le terrain et sans s'être demandé comment cet aveu serait reçu. C'est une inspiration de cette jeunesse que vous me reprochiez de ne pas avoir. Je n'ai rien calculé, je ne me suis rien demandé. Entraîné malgré moi, poussé par une force inconsciente, j'ai éprouvé un besoin irrésistible de lui dire « Je vous aime » et je n'ai pas vu autre chose que le bonheur de le lui dire. Si je vous avouais que je lui ai écrit 20 fois cet aveu, sans jamais oser lui remettre ma lettre, que voulez-vous, cher maestro ? Je n'ai pas commencé comme vous par être homme. C'est donc vrai que tu es si bambino que ça ? Comment as-tu eu le courage d'entrer dans la chambre et de parler ? Vous savez bien que ce sont les faibles qui ont toutes les audaces quand ils sont poussés à bout. Et je l'étais par mon amour. Une fois sorti de ma réserve ordinaire, rien ne m'arrête plus. Espérons que la lettre de Lady Cappadoce ne te jettera pas hors de toi. « C'est égal, fichu aventure. Buvons un grog. » Il caressa son verre. « Voilà le vrai ami, le seul qu'on trouve toujours quand on en a besoin. Tandis que l'amour, les femmes, la gloire, illusion, mon cher, et folie. À ta santé. »